Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Octave Crémazie. Octave Crémazie, son œuvre existe. Elle a un caractère national, épique, sans emphase. Ses vers ressemblent à de la belle prose oratoire. Le meilleur de lui-même, on le retrouve dans son amour de la patrie qu'il chante comme un barde. De la petite patrie, comme de l'ancienne de ses aïeux. On dit qu'il a été notre premier poète national et pourtant, son œuvre est aujourd'hui pratiquement oubliée. C'est en 1849 qu'Octave Crémazie publie son premier poème. Auteur, mais aussi libraire et animateur de la vie littéraire du Québec de la fin du 19e siècle, Crémazie sera poussé à l'exil en France, d'où il produira une importante correspondance, critique cinglante de la littérature d'ici. Crémazie ne remettra jamais les pieds au Québec. Il mourra au pays de Châteaubriand et de tous ces autres romantiques français qu'il aimait tant. Éric Bédard, historien, enseignant à la TELUC, collaborateur régulier à l'émission. Bonsoir Éric, merci d'être avec nous. Merci. Éric, Crémazie, premier poète national, pourquoi? Ben, parce que son œuvre de poète, hein, il nous a laissé en tout et pour tout 34 textes poétiques. La grande majorité de ces textes sont des textes qui font directement référence à la patrie, à son histoire, évidemment aussi à la France, la terre de nos ancêtres qu'il admire énormément. C'est un francophile. Comme vous l'avez mentionné, il va terminer ses jours en France. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait de lui, dès 1855, très rapidement, le premier de nos poètes nationaux. Le deuxième sera Louis Fréchette. Oui. Et celui que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Gaston Miron. Mais on présente Gaston Miron comme s'il était le seul grand poète national. Or, avant, des générations avant nous, on considérait que ou Crémazie ou Fréchette étaient nos grands poètes nationaux. Alors, revenons au tout début. Qui est donc Octave Crémazie? C'est quelqu'un qui est d'origine assez modeste. Il est un fier habitant de Québec, un Québécois. Il a une mère qui va jouer un rôle très important, qui va le nommer Octave. En fait, son véritable nom sur son baptistère, c'est Claude-Joseph-Olivier. Bon, on le nomme Octave en l'honneur de Joseph-Octave Plessis, qui était évêque de Québec, qui est mort en 1825, et Octave Crémazie, lui, naît en 1827. Donc, c'est pour, en référence à ce grand évêque de Québec, que sa mère le nomme Octave. C'est dire aussi le milieu catholique, la piété de sa mère dans lequel il va grandir. Il va étudier ensuite au Petit Séminaire de Québec, mais il ne terminera pas ses études de classique. Et très rapidement, il se lance en affaires avec son frère Jacques. Il se lance en affaires et en 1844, il ouvre sa première librairie. Et au départ... Il a 17 ans, là. Il est très, très jeune. Et en fait, il est vraiment connu, il se fait connaître à Québec comme, d'abord et avant tout, comme un libraire. C'est un libraire. Mais une librairie, et d'ailleurs, c'est la première librairie de ce type qui ouvre à Québec. Au départ, ce sont surtout des livres religieux. Hein. Il fait beaucoup son argent avec des livres qui ont une connotation religieuse. Mais à la fin, là, juste avant la faillite de 1862, on y reviendra, on a des livres de philosophie, d'histoire. Sa librairie est aussi un lieu de socialisation, un lieu de rencontre. D'animation de cette vie littéraire québécoise. Je vous propose là-dessus un tout petit extrait. Ça remonte cet enregistrement en 1965. L'animateur Paul Dupuis, qu'on entendait d'ailleurs au tout début de l'émission, qui nous dit combien ce lieu-là est beaucoup plus qu'une simple librairie. Voilà le lieu de rendez-vous choisi de l'élite de 1860. Rendez-vous des jeunes talents, des esprits avides de culture. C'est ici que l'on regarde l'avenir des lettres et qu'on élargit l'horizon de ses connaissances. L'historien Garneau y rencontre Étienne Parent. Louis Fréchette et Pamphile Lemay y donnent lecture de leurs premières œuvres et prennent en somme possession d'une réputation qui les suivra bien après que les portes de la librairie Crémazie seront closes à cause de faillite et que celui qui en était l'âme sera exilé. Alors, il est fou, on y reviendra à l'exil, Éric Bédard, mais il est fou de littérature. Oui, c'est un grand lecteur et un lecteur des œuvres de son siècle, puisqu'il y a un courant plutôt traditionnaliste au Canada français qui n'en a que pour le 17e siècle, le classicisme français, qui n'en a que pour ses auteurs du 17e siècle, ou pour le latin, à la limite. Mais c'est pas le cas du tout de Crémazie. Crémazie est un lecteur des auteurs de son temps, de Lamartine, d'Alfred de Musset, mais aussi de Chateaubriand. Hein? Et donc, c'est quelqu'un qui est tout à fait en phase avec le grand romantisme français de son temps, d'ailleurs comme quelqu'un comme François-Xavier Garneau. Sa librairie est une librairie aussi où on vend des produits de luxe, on vend du vin, on vend du papier peint, on vend des instruments de musique, on vend des denrées importées. Alors, c'est vraiment un lieu de socialisation. On ouvre aussi la section québécoise de Québec de l'Institut canadien en 1847. Et l'Institut canadien, qui était né quelques années auparavant à Montréal, réunissait les jeunes esprits, disons, de la jeune génération de Canadiens français qui n'avaient pas vécu les rébellions de 1837, mais qui souvent avaient une certaine sympathie pour ces événements, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Crémazie, là, qui était un personnage plus conservateur, mais quand même, c'était un lieu aussi de réflexion et d'échange, disons, en dehors de l'esprit clérical et de l'Église. L'Église qui, durant les années 1840, va lancer son œuvre des bons livres, c'est-à-dire qu'on se préoccupe dès les années 1840-50 au sein de l'Église. On est très préoccupé par la question des lectures. On veut que il y a tous ces livres à l'index. On ouvre cette œuvre des bons livres dans toutes les paroisses. Et l'Institut canadien à Montréal, en tout cas, a une bibliothèque et on a une bibliothèque à côté de cette œuvre des bons livres qui n'est pas soumise encore, en tout cas, à la censure. Absolument, un petit contrepoids. Ouais. Et donc, tout ça nous amène... Les affaires sont relativement bonnes pour la librairie durant les années 50 et arrive 1862, la faillite de cette librairie. On dit que Crémazie peut-être était un mauvais administrateur, faisait trop de dépenses, un peu la grosse vie, menait un trop grand train de vie et il a fait 3 voyages en Europe durant les années 50. Il aurait peut-être trop acheté. En tout cas, tout ça fait qu'il fait faillite en 1862 et s'enfuit comme un voleur en Europe. Et ça, on y reviendra parce que cet exil en France, il sera très, très important. Dans son œuvre même, ce ne sera plus des poèmes, mais il y aura un journal, il y aura une correspondance vraiment très, très riche pour qui s'intéresse à l'histoire. Mais un mot quand même sur le poète. Absolument. Alors, il faut bien voir le contexte de l'époque. Aujourd'hui, hein, il y a un paquet de revues littéraires qui peuvent accueillir les jeunes poètes qui s'essaient, hein, qui tentent leur chance. À l'époque, il n'y a aucune formation en littérature. L'Université Laval ouvre ses portes en 1852 et sans faculté de lettres, hein, est-ce besoin de le préciser? Il n'y a pas de revue proprement littéraire. Et donc, les gens qui ont un goût pour les lettres sont vraiment laissés à eux-mêmes. Et c'est ce que donc Crémazie, qui visiblement aime la poésie, eh bien, il commet son premier poème. Il est ami avec Joseph-Édouard Cochon, qui est le propriétaire du journal Le Canadien, qui est aussi un homme politique. Et donc, il publie ses premiers poèmes dans le Journal de Québec. Et le 3 janvier 49 paraît son premier poème. Les poèmes de d'Octave Crémazie sont essentiellement ce qu'on appelle dans le jargon des poèmes de circonstance, c'est-à-dire que on met en poésie un peu l'actualité de la dernière année où on met en poésie un événement qui nous a marqué. Et c'est ce qui fait que, par exemple, en 1853, un de ses poèmes s'intitule « Colonisation ». Donc, il met en poésie tout cet enjeu, tout ce défi de la colonisation des territoires, justement pour contrecarrer... En la soutenant, bien sûr, de façon favorable, pour contrecarrer ses premiers mouvements d'exil vers les États-Unis qui commencent. Hein, la première commission sur la question de l'immigration aux États-Unis, c'est 1848 par Chauveau. Donc, ça commence. Donc, il fait l'éloge de la colonisation, un peu comme Antoine Gérin-Lajoie dans son grand roman, son premier roman, Jean Rivard. Mais son grand poème qui le fait connaître, qui fait en sorte qu'il devient, il est consacré poète national, c'est son poème de 1855, Le vieux soldat canadien. Et ça se produit, il écrit ce poème dans le contexte d'une visite très spéciale, donc qui a marqué les gens de l'époque. C'est la visite d'une corvette, d'un bateau de guerre français, la Capricieuse, qui va descendre le Saint-Laurent durant l'été 1855. Le but de la France, à ce moment-là, est un but strictement, on le sait maintenant par les archives, strictement commercial. La France veut ouvrir le marché canadien à ses produits. Mais les gens d'ici, les Canadiens français, voient cette visite comme une forme de retrouvaille. Ouais. Et il y a des banquets, les matelots, le capitaine Belzève est accueilli de façon très, très chaleureuse. Ce qui enflamme la plume de Crémazie. Et voilà, et ça enflamme la plume de Crémazie. Je pourrais vous en lire un extrait. Hein, tu l'as dit, ô vieillard, la France est revenue. Au sommet de nos murs, voyez-vous, dans la nuit, son noble pavillon dérouler sa splendeur? Ah, c'est ce jour glorieux où les Français, nos frères, sont venus pour nous voir du pays de nos pères, sera le plus aimé de nos jours de bonheur, etc. Ouais. Donc, vous voyez un peu le style très lyrique et un peu emphatique aussi. Donc, on accueille à bras ouverts et c'est la première fois qu'un bateau de guerre français descende Saint-Laurent depuis la conquête, voilà. Il publiera un dernier poème qui sera important, moins connu probablement, avant de quitter en exil pour la France. Il publiera plus vraiment de poèmes en France. Il écrira, mais plus de poèmes. Promenade de Trois Morts, c'est le titre de ce dernier poème. Extrait donc des Midis de la poésie en 1966, extrait de ce fameux poème Promenade des Trois Morts. Ramenant leur linceul sur leur poitrine nue, les morts, en soupirant une plainte inconnue, se lèvent dans leur morne et sombre majesté. Drapés comme des rois dans leur manteau funèbre, ils marchent en silence au milieu des ténèbres et foulent les tombeaux qu'ils viennent de briser. Le plus sombre, je pense bien, de ces poèmes, Éric Bédard, on peut dire ça? C'est ce que disent absolument les spécialistes. On n'est pas vraiment dans les thématiques classiques de Crémazie, sur la patrie, la mémoire, l'histoire, la France. On est dans des thèmes très, très, très noirs, la mort, l'exil. Et d'ailleurs, les gens de l'époque avaient été étonnés par ce poème, ne savaient pas trop quoi en faire. Mmh. La grande majorité des commentateurs de l'époque vont dire « Ah ben c'est parce que ça va pas bien dans sa vie », ce qui était vrai. Ouais. Il a écrit ce poème au moment où il est acculé à la faillite. Et donc, c'est un poème qui détonne par rapport au reste de son œuvre et peut-être qui indiquait une voie nouvelle, une voie plus libre. Oui. Et on y reviendra dans un petit moment à cette voie plus libre, son journal, sa correspondance. Mais cette fameuse faillite, il doit partir, il décide de partir en exil. C'est un peu mystérieux, cette affaire-là. C'est mystérieux. Il y a eu des recherches qui ont été faites par des spécialistes. C'est mystérieux. On pense qu'il aurait falsifié des signatures. Il avait des gens qui l'appuyaient là lorsqu'il faisait des achats. C'est comme des gens qui servaient un peu de caution pour faire des achats. Or, il aurait falsifié. Il aurait été carrément faussaire. De gens importants qui le soutenaient, absolument, qui le soutenaient. À cause de ça, on n'a jamais passé l'éponge et on a tenté des proches, des admirateurs ont voulu qu'il Vienne, mais ça n'a jamais été... Bon. Et comme il s'est littéralement caché, comme il a changé de nom, on peut penser qu'il il avait quelque chose à cacher. Mm-hmm. On peut penser qu'il ne se sentait pas très confortable avec ce qu'il avait fait. Donc on entre dans cette période d'exil qui est pour l'historien peut-être la période la plus intéressante. En tout cas, on reviendra à sa correspondance dans un instant. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Mais ce journal, il tient un journal témoin de son époque, là-bas en France. Alors, il va tenir un journal uniquement durant l'automne 1870. Donc, il quitte en 1862. Il arrive en France. Il adopte un nom. Il utilise un nouveau nom qui est Jules Fontaine. Oui. Et c'est sous ce nom qu'il va vivre essentiellement à Paris, mais aussi un peu à Bordeaux et à Orléans et aussi au Havre où il va terminer ses jours en 1879. Donc, il est à Paris durant des années intéressantes, les années du Second Empire de Napoléon III, qu'il admire énormément. Mais il est aussi là lorsqu'il y a cette guerre entre l'Allemagne, la Prusse ou l'Allemagne et la France de 1870, guerre qui va entraîner la défaite de la France et l'instauration très importante d'une république, de la Troisième République. La proclamation est le 4 septembre 1870. Or, il commence son journal le 13 septembre 1870. Il va tenir ce journal-là. Pourquoi il tient un journal? Parce que la poste, il y a des problèmes avec la poste. Et là, il a un peu cette idée de consigner jour après jour tout ce qu'il voit, entend. Et c'est un document très riche parce que ça nous permet vraiment de mieux comprendre la pensée de Crémazie, de voir aussi le niveau de son conservatisme, son appétit pour l'ordre, sa misogynie aussi. Il est assez misogyne. C'est intéressant pour ça. Et c'est intéressant aussi pour les historiens de France de voir comment un anonyme vivait ces événements, parce que Paris était coupé du reste du monde pendant plusieurs mois, notamment après, durant la Commune de Paris. Et puis sa correspondance avec, essentiellement avec l'abbé Casgrain, où il sera très, très critique de la littérature qui se fait ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. Un petit extrait, c'est vraiment très, très révélateur. Donc, extrait d'une lettre qu'il écrit, Octave Crémazie, à l'abbé Casgrain. C'est daté du 10 août 1866. Plus je réfléchis sur les destinées de la littérature canadienne, moins je lui trouve de chance de laisser une trace dans l'histoire. Ce qui manque au Canada, c'est d'avoir une langue à lui. Et si nous parlions Iroquois ou Huron, notre littérature vivrait. Malheureusement, nous parlons et écrivons d'une assez piteuse façon, il est vrai, la langue de Bossuet et de Racine. Nous avons beau dire et beau faire, nous ne serons toujours, au point de vue littéraire, qu'une simple colonie. Et quand bien même le Canada deviendrait un pays indépendant et ferait briller son drapeau au soleil des nations, nous n'en demeurerions pas moins de simples colons littéraires. Voyez la Belgique, qui parle la même langue que nous. Est-ce qu'il y a une littérature belge ? Ne pouvant lutter avec la France pour la beauté de la forme, le Canada aurait pu conquérir sa place au milieu des littératures du Vieux Monde si, parmi ses enfants, il s'était trouvé un écrivain capable d'initier, avant Fenimore Cooper, l'Europe à la grandiose nature de nos forêts, aux exploits légendaires de nos trappeurs et de nos voyageurs. Aujourd'hui, quand bien même un talent aussi puissant que celui de l'auteur du Dernier des Mohicans se révélerait parmi nous, ses œuvres ne produiraient aucune sensation en Europe, car il aurait l'irréparable tort d'arriver le second, c'est-à-dire trop tard. Je le répète, si nous parlions Huron ou Iroquois, les travaux de nos écrivains attireraient l'attention du Vieux Monde. Cette langue mâle et nerveuse, née dans les forêts de l'Amérique, aurait cette poésie du cru qui fait les délices de l'étranger. On se pâmerait devant un roman ou un poème traduit de l'Iroquois, tandis que l'on ne prend pas la peine de lire un livre écrit en français par un colon de Québec ou de Montréal. Depuis 20 ans, on publie chaque année en France des traductions de romans russes, scandinaves, roumains. Supposez ces mêmes livres écrits en français, ils ne trouveraient pas 50 lecteurs. La traduction a cela de bon. C'est que si un ouvrage ne nous semble pas à la hauteur de sa réputation, on a toujours la consolation de se dire que ça doit être magnifique dans l'original. Très dur ce qu'il dit. En même temps, avec le recul du temps, nos oreilles d'aujourd'hui, Eric, il y a des auditeurs qui doivent être complètement... Choqués. Choqués parce qu'ils entendent, là. Oui, mais en même temps, la littérature québécoise continue d'être périphérique, et ça, c'est vrai. Mm-hmm. Beaucoup de gens le disent. Il y a eu même le roman d'Isabelle Daunet, pas le roman, l'essai d'Isabelle Daunet, publié chez Boréal, qui est en train d'expliquer pourquoi. François Ricard, dans Mœurs de province, a tout un chapitre sur la difficulté pour la littérature québécoise d'avoir une sorte d'audience, de percer, d'exister dans la grande littérature française. Donc, ce qu'il dit là, au fond, ce qu'il dit, c'est que nous restons en périphérie du centre. Nous restons en périphérie pour plusieurs raisons. Alors, il dit, il est dur sur la langue parlée des Canadiens français de son temps, mais il dit plus fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas d'institution littéraire au Canada français. Et au moment où il en parle, il a absolument raison. Il est en correspondance avec l'abbé Casgrain, qui lui, justement, tente de créer une institution littéraire au Canada français. Qu'est-ce qu'on entend par institution littéraire? Ben d'abord, une institution littéraire, il ne suffit pas d'écrire pour avoir une institution littéraire, il faut des institutions. Il faut pouvoir supporter ces écrivains. Alors, il faut que ces écrivains puissent, soit par des subventions, faut qu'ils puissent avoir des lieux où ils puissent avoir du temps pour écrire. Alors, c'est pas le cas au Canada français. Il blâme aussi la mentalité d'épicier, c'est l'expression qu'il utilise, de la petite bourgeoisie canadienne-française qui s'abonne à des revues, mais lit pas sérieusement. Il déplore aussi l'absence de critiques littéraires. Pour s'améliorer, pour devenir de bons écrivains, il faut une critique littéraire éclairée qui, justement, puisse comparer les œuvres les unes avec les autres, voir là où c'est original, là où c'est banal, etc. Il se moque lui-même, d'ailleurs, de ses poèmes. Il dit, vous savez, suffit de faire rimer 2-3 mots comme ça, puis tout le monde s'énerve. Il est extrêmement lucide, en fait. En fait, cette correspondance avec l'abbé Casgrain est une correspondance d'une très, très grande lucidité. C'est très triste, c'est dur à lire. Parce qu'il y a pas un côté colonisé aussi quand il dit, au fond, nous avons le malheur de partager la même langue, le français, que les Français. Ben, il veut dire par là que comme nous parlons la même langue qu'eux, nous ne sommes pas intéressants à leurs yeux. Hein, si nous parlions une langue plus exotique, on susciterait davantage l'intérêt. Mais je m'excuse, mais j'entends encore ça aujourd'hui. Et les gens qui disent ça, ils sont pas colonisés. Ils ne font que constater la difficulté pour la littérature québécoise de percer dans le grand marché français. Et ça, plusieurs le disent, je crois, encore aujourd'hui. Évidemment, là, c'est pour ça, on a eu tout un débat durant les années 60-70 sur la question du joual, sur le fait que nous avons une langue distincte de la langue française et donc de ce fait, nous pourrions exister différemment et ne cesser de se comparer au canon français. Octave Cremasi n'est pas encore là. Je pense qu'il admire. Il aurait été probablement très, très en désaccord avec cette approche-là. Mais le problème qu'il soulève, je crois, est toujours là. Bon, il ne reviendra jamais au Québec, au Canada. Il mourra en France, bien que certains de ses amis essaieront de le faire revenir. Avec le recul du temps, Éric, on n'a pas eu le temps de parler de cet amour qu'il a des romantiques, Chateaubriand entre autres, de son romantisme à lui qui est plutôt désincarné. Mais avec le recul du temps, pourquoi il est important, Cremasi? Alors, Cremasi, il est important parce qu'il est un pionnier de l'institution littéraire au Québec. Mais je crois que ce qui est encore lisible pour nous aujourd'hui, c'est cette correspondance avec l'abbé Casgrain. Plus que sa poésie. Davantage, à mon avis, que sa poésie. Quand on lit sa poésie, c'est dans le cadre de cours d'histoire de la littérature. Mais si vous lisez aujourd'hui Cremasi, à moins que vous soyez un esprit un peu à contre-temps, ça vous touche pas beaucoup. Ça vient pas beaucoup vous chercher. C'est emphatique. Alors que des poètes de la même époque, comme Verlaine, comme Baudelaire ou même comme Rimbaud un peu plus tard, ben, ceux-là nous parlent toujours. Il y a quelque chose d'une voix très moderne. Chez Cremasi, il y a moins ça. Et il y a moins ça aussi parce que peut-être qu'il s'en est trop tenu à être le poète de service, au service de la nation, alors qu'un Gaston Miron a écrit de grands poèmes sur le Québec, mais a aussi toute une poésie plus personnelle dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, québécois ou non. En terminant, pour se faire plaisir, Éric Bédard, quelques notes de cette chanson. Vous connaissez peut-être Le Chant des Voyageurs. C'est un texte d'Octave Cremasi qui a été mis en musique en 2012 par Alexandre Béliard. On écoute donc un extrait de cette chanson. Comme quoi, Éric, il est encore présent, Octave Cremasi. À nous les bois et leur misère qui pour nous n'ont plus de secret. À nous le fleuve aux ondes claires où se reflète la forêt. À nous l'existence sauvage, pleine d'attrait et de douleur. À nous les sapins dont l'ombrage nous rafraîchit dans nos labeurs, bravant la foudre et les tempêtes avec leur aspect solennel. Qu'ils sont beaux ces pins dont les têtes semblent les colonnes du ciel. Lorsque privés de leur feuillage, ils tombent sous nos coups vainqueurs. Éric Bédard, on s'arrête là-dessus. Historien, enseignant à la TELUC, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre, nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.